ce monsieur Lucidor est un grand marieur de filles. À quoi vous déterminez-vous, maître Blaise? Je dis que vous êtes toujours bien jolie, mais que ces 20 000 francs vous font grand tort. Oh, le vilain procédé! Est-ce que vous aviez quelques desseins pour elle? Oui, je n'en fais pas le fin. Sur ce pied-là, vous ne m'aimez pas? Si, fait d'or! Ça m'avait un peu quitté, mais je vous aime chèrement à cette heure. À cause des 20 000 francs? À cause de vous, et pour l'amour d'eux. Vous avez donc intention de les recevoir? Et pargué, à vous ta vie. Et moi, je vous déclare que si vous les prenez, je ne veux point de vous. On veut si bien d'un autre. Il y aurait trop de lâcheté à vous de prendre de l'argent d'un homme qui a voulu me marier à un autre. Qui m'a offensé en particulier en croyant que je l'aimais et qu'on dit que j'aime moi-même. Mademoiselle a raison, j'approuve tout à fait ce qu'elle dit là. Mais écoutez dans le bon sens. Si je ne prends pas les 20 000 francs, vous me perdrez. Vous ne m'aurez point. Votre mère ne voudra point de moi. Eh bien, si elle ne veut point de vous, je vous laisserai. Est-ce votre dernier mot? Je ne changerai jamais. Oh, voilà bien au garçon.